Musique horrible. César, bonsoir. talk where you are? Yeah. Who's there? Satellite truck. No, I can talk. Is anyone else there? No. Hang on. Oh, man. You're really tired. I know you sound just awful. I love you. I love you too. I don't want to be here. I want to be with you. I was sitting in bed. Yeah. And I was kind of daydreaming. And I was remembering. I don't know, I was just remembering all sorts of things. Like what? Well, I was remembering when you came and saw me after the election. Yeah. And you just walked in the door. Yeah. And dropped everything. Yeah. I was just remembering that. I hadn't thought about that for a long time. Yeah. And how amazing that was. Yeah. No. Do you have to hang up? No, not at all. I'm not going to hang up when you're talking like that. Does anyone else hear you? Nah, they're not paying attention to me. Oh. All right. Can't you talk to me for as long as you can talk to me, or do you have to go? No, I can talk to you for as long as you want. I want to talk to you. I miss you. Isn't it amazing how much I miss you? Well. And how much I feel like my body needs to be against yours? Well, I have a feeling. That's a good thing. Yeah. It's a good thing that it's mutual. The luckiest people in the world, because this is just going stronger and stronger and on and on. Bienvenue ou re-bienvenue dans Musique Horrible, l'émission accueillie par Radio Balise dans le seul but de confier à cette adorable dernière sa caution, et j'ouvre les guillemets, génial. La musique que vous venez d'entendre à l'instant est Mouths Trapped in Static, du collectif Set Fire to Flames. La chanson qui a ouvert l'émission, quant à elle, est Stones of October Sobbing, des étranges Maudlin of the Well. Maintenant que j'ai mis 31 syllabes juste pour donner les titres de ces deux chansons, j'aimerais vous dire à quel point elles m'intéressent et m'excitent. Moi, César. Car voyez-vous, les albums auxquels appartiennent ces deux musiques sont, et je pèse mes mots, des mystères. Pour l'ouverture de l'émission, il s'agit du LP Leaving Your Body Map, et pour la conversation que vous venez d'ouïr, il s'agit du double album Telegraphs Negative / Mouths Trapped in Static. Laissez-moi vous parler d'un des deux mystères, et laissez l'autre où il appartient. Et on va choisir avec un pile ou face. Pile, leaving, et face, telegraphs. On est tombé sur face. Telegraphs in negative / mouths trapped in static, dont vous avez entendu la conversation au téléphone. Cette expérience est le résultat de tout un collectif d'une douzaine de musiciens qui ont décidé de partir ensemble, s'isoler dans une grange paumée au fin fond du Canada. Quand ils en sont sortis, ils avaient vécu une vie entière de musique. Il suffit d'écouter et on entend des ondes à courte portée, des voix dans le fond qui parlent, des planchers qui craquent, des cordes se frottant sur des instruments mais peut-être aussi des meubles, du métal et des tissus. Moins de la musique et plus des atmosphères. Des atmosphères de choses à bout. Pourtant, on ne sait rien de ces enregistrements. Tout ce que moi je sais, c'est ce que j'ai des liner notes disant que Telegraphs in Negative / Mouths Trapped in Static a été enregistré dans des états de peu ou pas de sommeil, dans différents niveaux d'intoxication et de confinement physique. J'ai aussi une autre information, qui est le nom des morceaux, tous magnifiques et beaucoup, beaucoup trop longs, évoquant des images de fréquences tueuses de sommeil, de la réverbe des rites du printemps ou encore des cartes vers le sommeil. Et moi, ce que j'en retiens quand j'écoute, c'est toujours cette petite conversation de téléphone. Probablement entre un des musiciens et sa femme. Et elle sait tout sur ce qu'il se passe. Un autre mystère. Ça nous fait deux mystères, dont un que je n'ai même pas expliqué, mais bon. Finissons sur le chiffre 3, avec un troisième mystère, puisque c'est la tradition, c'est que ces deux albums, dont celui dont je n'ai pas parlé, abordent au final tous les deux le même thème, la même histoire. Et voyez, les deux directions très différentes, où ça les mène. Bon, je ne sais pas pour vous, mais tout ceci a amorcé en moi, César, une petite émotion à la con, nommée tristesse. Donc on va s'en lancer un petit bijou tout court de 2 minutes. Puis, on va prendre cette tristesse, la mettre dans l'esprit d'un cow-boy alcoolisé, et voir la tristesse devenir rage. Bonne écoute. Après ça, on se reverra sur un rituel obligatoire. À l'instant, vous venez de headbanger sur Cowboy Dan de Modest Mouse. Et juste avant, vous pleuriez sur No More Sorry de My Bloody Valentine. Une piste tristement inconnue du groupe. Et pour une raison étrange, le cœur de moi, César, fond à chaque fois qu'il distingue le mot Daddy à travers les nappes de distorsion. Heureusement, mon fils Marcus Junius Brutus me réconfortera. Désolé pour ces moments de tristesse et de faiblesse, je ne m'abaisserai plus jamais à votre niveau. Mais je suis content que vous soyez là pour écouter avec moi ce soir. Sur ce, horribles auditeurs, le moment est venu pour moi de remplir un rituel obligatoire pour tout disc jockey, qu'il passe à la radio, en club ou à la boum de votre grand-mère, le disc jockey est tenu, tôt ou tard, de faire passer du Boards of Canada. C'est comme ça. C'est la règle. On ne pose pas de questions. Toutefois, je compte honorer le rituel selon mes propres termes. Voici donc ma chanson préférée de Boards of Canada, sur un album qui, pareil à Leaving Your Body Map et Telegraph's Negative / Mouth Trapped in Static, est un mystère, lui aussi. Avec plus d'interludes que de chansons propres, voici la dernière piste de l'album Geogadi. Magic Window. Vous devriez voir la gueule que vous tirez. C'était Magic Window de Boards of Canada. Ou le moment précis d'un des nouvel an de ma vie. Où je me suis rendu compte, après des kilomètres de marche, que j'étais totalement putain de paumé. Pour la petite histoire, la légende raconte que grâce à ce morceau de 1 minute et 47 secondes, l'album Geogadi atteint une durée de 66 minutes et 6 secondes. Ah les bâtards. Mais je leur en remercie. Merci Boards of Canada. Car grâce à cette fenêtre magique, nous arrivons, comme par hasard, au milieu de l'émission. Vous savez ce que ça veut dire ? Malheureusement, moi oui. C'est le moment de faire une pause, car le contraste, c'est la vie. C'est parti pour sourire. Jamais je ne m'y habituerai. Ce bonheur, cette joie. C'était I think it is beautiful that you are 256 colors too. The Black Moth Super Rainbow. Également appelé nom de fichier trop long pour Windows. De quoi rendre moi, César, malheureux. Car je passe mon temps à nous faire écouter l'horreur de la tristesse. Et voilà qu'un morceau débarque pour transformer cette tristesse en mélancolie. Et tout est réglé. Le monde est injuste, c'est moi qui vous le dis. L'heure tourne. Et César a envie d'écouter de la musique mauvaise, pas vous. Je vous propose qu'on se fasse d'abord fondre le visage en dansant un peu sur le genre de son qui transforme le cuir en latex. Par ailleurs, une matière sonore et merveilleuse. Puis, dans un second temps, j'aimerais prendre un risque avec vous. Comme vous le savez, sur cette émission, ce qui nous intéresse avant tout, ce sont les émotions négatives qui suintent de la musique. Et en ce sens, je considère tous les genres musicaux comme étant fascinants et infinis. Le purisme, le snobisme et l'élitisme en musique sont pour moi les signes d'un dysfonctionnement de l'âme, dont le symptôme principal est d'avoir la tête enfouie dans son propre cul. Si je vous dis ça, c'est parce que jusqu'à présent nous avons écouté des musiques appartenant à des genres accessibles. Or, après ce fameux morceau cuir-latex, j'aimerais ensuite vous proposer un voyage dans l'univers intense des Power Electronics. Ce avec une chanson merveilleuse du genre, qui est de surcroît loin d'être la plus inécoutable. Vous avez fait la promesse d'être là pour écouter avec vous des musiques que j'adore. Et c'est ce que nous allons faire. Jamais je ne me censurerai pour vos beaux yeux. Toutefois, il s'agit d'un genre musical particulièrement haineux et agressif à l'oreille. Et si je vous fais mal, c'est pour que j'en retire du plaisir, moi, César. Et pour ce plaisir, il me faut votre consentement. Donc si vous ne tenez absolument pas à écouter cette musique horrible, elle sera annoncée par la flûte douce et nocturne de Zbigniew Preissner. Cette même flûte reviendra à la fin du morceau, encore une fois. Si vous ne voulez pas écouter, alors éteignez votre poste d'écoute pendant 6 bonnes minutes au moment d'entendre la flûte et contemplez le silence ou autre. Mais laissez-moi vous mettre en garde que ceci n'est pas la manière dont cette émission est conçue. Et donc, personnellement, je vous invite à endurer et à dépasser vos a priori et vos limites, car il s'agit d'un très beau morceau. Issu d'un album simplement intitulé Kiss. Bon, sans plus attendre, on se fond le visage dans les caves de l'Orient pays. Oh, Moi, César, je vous remercie d'avoir écouté. Cette émission est là parce que vous êtes là. C'était Faceless de Bestial Mouths, suivi de l'irresponsable étoile, étoile, slash, étoile, étoile, slash, étoile, étoile, de Strict, sur l'album Kiss. Cette dernière chanson imprononçable était par ailleurs encerclée par deux morceaux de flûte de Spinu Pleissner, intitulés Veronica et Générique de fin. Toutes deux tirées d'un film où j'ai rien compris, sauf la musique. J'espère avoir ouvert en vous ce soir une petite feuille de curiosité morbide pour les temps à venir. Si vous souhaitez m'en faire part, et en parler avec moi, alors envoyez-moi un mot à musique.horrible@gmail.com. Ou sinon, envoyez une souris crucifiée au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. On va finir la soirée sur un combo en deux coups hardcore slash hip-hop. Negative de Big Ups slash Very Much Money de Open Eagle. Open Mic Eagle. Vous allez particulièrement bien aimer cette toute dernière chanson, car elle parle beaucoup de vous. Bonne soirée. Je vous aime. Resuscitation, now forever frozen. off. Thought of a song called Thinking of Master Plans. Riggin' and rockin', drinking in Amsterdam. Cafe back room, meeting with Cancer Man. Engineering project, black astronaut. The first scene in the film Prometheus. I wrote a brand new story that starts from there. Just need some help with the financing. I ain't got nobody to pitch it to. My friends are superheroes. None of us have very much money though. They can fly, run fast, read Portuguese. None of us have very much money though. They know judo and yoga, photography, politics. Some of them leap over buildings. Writers, magicians, comedians, astronauts. None of it matters when niggas was hungry. My friends are superheroes. None of us have very much money though. They wear the same underwear as billionaires. None of us have very much money though. Hustlers, beatmakers, drug dealers, sculptors, egomaniacal authors and bloggers. Some of them talk to the animals. None of it mattered when niggas was hungry. That shit's not valuable. Come say it to my face. That shit's not valuable. Come say it to my face. It's all disposable. Say it to my face. This device might cure my remembering. I'm 87% sure I invented it. High adrenaline and rapping on the cake boss. Name on the dressing room so I ain't lost. Commencing countdown, take off another sound stage. Rehearsing a fake spacewalk. Lil Wayne is an ancient African. Jay-Z's been around since the 20s though. The only new ones is Lil B and One Below. We only got 100 months to go until your hometown's covered in tons of snow. It goes 1, 2, 3, 4, 5 little Indians. When it's all over, I survive on a penny gum chips. Cinnamon flavored memory sticks. And I'll flash, take a picture. Cause I remember. That shit's not valuable. Come say it to my face. That shit's disposable. Come say it to my face. It's not authentic though. Come say it to my face. That's so ingenuine. Come say it to my face. My friends are superheroes. None of us have very much money though. They can fly, run fast, read Portuguese. None of us have very much money though. They can make hair grease out of fruits and herbs. None of us have very much money though. They can take selfies like Du Buffet. None of us have very much money though.